بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال الثامن بعد المئة. 108 question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز أن نطلق الكفر على شخص بعينه؟ Donc est-il permis de rendre ou de qualifier de mécréant une personne directement, une personne précise, et non pas par un simple descriptif. فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر إذا تحققت فيه أسباب الكفر. Donc il a dit oui, cela est permis de juger une personne de mécréante lorsqu'on voit en elle les causes de la mécréance justement qui apparaissent clairement. فلو أننا رأينا رجلا ينكر الرسالة أو رجلا يبيح التحاكم إلى الطاغوت أو رجلا يبيح الحكم بغير ما أنزل الله ويقول إنه خير من حكم الله بعد أن تقوم الحجة عليه فإننا نحكم عليه بأنه كافر. Donc il a dit par exemple, si on voit une personne qui renie le message du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou quelqu'un qui rend permis par exemple de juger par les lois des tarouts, c'est-à-dire les lois des hommes, ou alors des gens qui rendent permis le fait de juger par autre ce que Allah a fait descendre, par autre loi d'Allah. Il voit cela permis, ou dit que cela est meilleur que le jugement d'Allah. Et cela après que l'argument, la preuve lui ait été établi que cela est faux. Alors lui, on dit que c'est un kafir. Et on a dit une série de cours détaillés sur cette question-là, de la loi, jugée pour autre loi d'Allah Azzawajal. Donc c'est un sujet qui est sensible, et dans lequel il ne faut pas s'aventurer et devancer les savants. Quoi qu'il en soit, là, l'auteur veut dire par là qu'il est permis à des gens de juger de mécréants d'autres gens lorsque leur kufr est apparu. D'accord? Et à la base, dans le takfir, bil mu'ayyan, le fait de rendre quelqu'un mécréant, une personne précise ou quoi, on revient au ulama pour ça en général. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des cas, des fois, c'est vraiment une chose qui est évidente. Mais la base, c'est qu'il faut revenir au ulama pour quoi ne pas ouvrir la porte et s'amuser après, par la suite, en mécréant tout le monde avec ignorance. Ce qui apporterait, ce qui ouvrirait les portes de l'égarement. Et que chacun soit en train de parler de sa tête. Et c'est le cas actuellement. Mais c'est une erreur. C'est une erreur à rectifier, donc revenir au ulama de la sunna dans ce genre de questions. فإذا وجدت أسباب الكفر وتحققت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفر الشخص بعينه ونلزم برجوع إلى الإسلام أو القتل والله أعلم. Donc il a dit, si jamais on trouve chez la personne les causes de mécréance et que les conditions sont réunies et que les empêchements sont absents, alors on le rend mécréant lui-même. Et on lui impose de revenir à l'islam ou alors qu'il sera exécuté. Car l'apostat, sa sentence est la peine de mort. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. ثم قال في السؤال التاسع بعد المئة 109 question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ: ما رأيك في رجل تورع أن يرمي إنسانا بالكفر بينما لا يتورع أن يرميه بالعلماني أو المحدث جزاكم الله خيرا؟ Donc il a dit, le questionneur, quel est votre avis à propos d'un homme qui ne s'aventure pas à, qui craint de s'aventurer, plutôt on va dire, à accuser une personne de mécréance, cependant il se permet de le qualifier de laïque ou alors de moderniste. Donc qu'en est-il de cela ? فأجاب رحمه الله تعالى معلوم أننا نحب أو يجب أن نتورع عن وصف الإنسان بالكفر أو الفسق أو العلمانية أو الحداثة أو غير ذلك من ألقاب السوء حتى نتبين ثم نحكم عليه بما يستحقه. Donc il a dit, il est connu qu'il faut justement éviter de qualifier une personne par la mécréance ou par la perversion ou par la laïcité, le traité de laïque ou de moderniste et autres parmi ces descriptifs qui sont mauvais, tant qu'on n'est pas sur la preuve de cela. Et ensuite, on juge par ce que la personne mérite. وَالْعِلْمَانِيَّةَ وَالْحَدَاثَ إِذَا كَانَتْ كُفْرًا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ نَرْمِيَهُ بِأَنَّهُ عِلْمَانِيٌّ مُحْدَثٍ وَبَيْنَ أَنْ نَقُولَ هُوَ كَافِرٌ. Et bien sûr, la laïcité, et ainsi que le modernisme. Et quand on parle de modernisme, on ne parle pas des choses qui sont liées à la dunya, on parle des choses modernistes, le fait de changer la religion, de vouloir l'adapter au mode de vie actuel des gens en changeant ses règles. On parle de cela. On parle pas du fait, par exemple, de modernisme, le fait de prendre l'avion, de prendre la voiture, d'avoir un téléphone portable, d'utiliser Internet. C'est pas ça. D'accord? C'est-à-dire aujourd'hui, on a une époque où, مثلاً, la charia ne convient pas. Ou ce genre de choses. Non. Ça, c'est le modernisme qui est de la mécréance. Donc, il a dit, le modernisme et cette laïcité, hein, si on vit, on juge par cela que c'est de la mécréance, alors il n'y a pas de différence entre dire de quelqu'un qu'il est un laïc ou un moderniste, et le fait de le dire, tu es un kafir. Lorsqu'on veut par cela, le kufr pur. لكن كلمة الكفر صريحة واضحة. كل إنسان يعرف أنك إذا قلت فلان كافر أنه خارج من الإسلام. Cependant, le mot mécréance, lui, c'est un mot qui est clair, direct. Toute personne comprend que tu veux par cela l'exclure, l'excommunier de l'islam. لكن إذا قلت علماني أو محدث ربما يفهم أن في شيء من العلمانية أو الحداثة الذي لا يصل إلى الكفر. Par contre, lorsque tu dis quelqu'un que c'est un laïc ou un moderniste, il se peut que l'on comprenne que tu vises par là la laïcité partiellement, ou le modernisme partiellement, c'est-à-dire à un niveau qui n'atteint pas la mécréance. Ce n'est pas aussi clair que le fait de dire à quelqu'un qu'il est tombé dans le kufr. وعلى كل حال الواجب ألا نتبازر ألا نتبازر أو نتبازر أو لا نتبازر بالألقاب وأن لا نصف أحدا بالسوء إلا إذا كان متصفا به حقيقة وكان في ذلك مصلحة تربو على مفسدة ذكره أو على مفسدة ذكره لأن التسرع في هذه الأمور يؤدي إلى المفاسد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله ولم يكن كذلك راجع على القائل. Donc il a dit, quoi qu'il en soit, il faut faire attention à ne pas qualifier les gens avec ce genre de sobriquet, et ni de décrire quelqu'un de mauvaise manière, tant que la personne n'est pas réellement, ne mérite pas réellement cette description, ce jugement. Il faut être sûr, d'accord, de la chose. Et également, il faut regarder qu'il n'y ait pas un mal plus grand à dire cela. Car des fois, dire cela d'une personne, même si c'est réel, peut amener à des préjudices, à des désagréments par la suite. Donc des fois, se taire est meilleur. Se taire ne veut pas dire défendre, mais se taire. L'enna tasarrua, il a dit, le fait de se précipiter dans ce genre de choses peut apporter justement des préjudices. Et il a été dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui accuse une personne de mécréance ou qui lui dit ennemi d'Allah et que la personne n'est pas de la sorte, alors cette parole revient sur celui qui l'a dite. Cette parole revient sur celui qui l'a dite. Et les ulama ont expliqué que ça ne veut pas forcément dire qu'il lui-même devient un kafir, mais cela veut dire que le péché et l'erreur revient sur lui. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, c'est ce qu'on a pris aujourd'hui comme question. Fiyad al-Bab. Walhamdulillah bil alamin.